Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 15 juin 2016 de Mélomanes. J'espère que vous avez passé une belle semaine depuis notre spécial prog de la semaine dernière, qui, ma foi, a remporté un grand succès, du moins plus grand que je l'espérais, j'avoue, parce qu'on s'entend qu'avec des longues suites de musique compliquée, c'est normal de rejoindre un peu moins de monde, mais ce que j'avais oublié, c'était que le Québec est rempli de fans de rock progressif, donc ça a été une très belle soirée pour plusieurs d'entre nous. D'ailleurs, je ne dirai jamais assez, merci public mélomane de suivre dans toutes les directions possibles. C'est plaisant de se retrouver entre amateurs de musique en tout genre. Et d'ailleurs, ce soir, on ne fera pas exception à la règle d'après moi, le succès frappe à nos portes, mesdames et messieurs, parce que je nous ai concocté, toujours avec autant d'amour, un spécial années 90 qui risque, mais là, attention, la nostalgie, de vous rappeler des souvenirs en veux-tu, en v'là. Grosse, grosse concentration de hits au pied carré ce soir. On va toucher un peu à l'alternatif, mais aussi beaucoup au pop pour faire contraste un peu avec notre voyage cosmique de la semaine passée. Donc, beaucoup de belles musiques à venir. Et c'est pour ça que, sans plus tarder, on commence cette première du Party Mélomanes spécial 90 au 99.1 CFNJ. To leave me. and Japan. I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. For pussy. For pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm song. Mm-hmm. Mm-hmm. 99.1 et 88.9 CFNJ. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. On top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur format explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutron qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Missiles patriotes dirigés par ordinateurs, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le rush. La guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du jogging et de la cigarette. La preuve en est, nos beaux soldats américains qui sont là. pour équilibrer les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt qu'on étira quand Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con. Assis par terre dans le salon, je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour. Je pointe mon radar à Ion. Entraînement de la sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990. En 1990. En 1990. En 1990. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. En 1990. En 1990. En 1990. En 1990. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Hier samedi, j'ai sauvé mon âme avec cette chanson. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. We'll be right back. De mon passé, si t'en veux. Du haut de la croix du Mont-Royal, je te confie mon idéal et tous mes romans fleuves à venir. Tous mes enfants joueurs de tour et mes automnes et mes amours à finir. Et la lune d'automne brillera moi ce soir, et mon cœur encore le fil de sa mémoire. Et la lune d'automne brillera ce soir. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, il va y avoir toutes sortes de choses comme ça ce soir en ce spécial année 90, Mélomane et un succès de 1992 pour Michel Rivard avec La Lune d'automne qu'on n'entend quasiment plus nulle part. Très belle chanson, très belle guitare qui était précédée dans un registre complètement différent des Stone Temple Pilots avec un de leurs plus gros succès, soit Interstate Love Song de 1994. Et on se rappelle par le fait même que Scott Weiland, le chanteur de la formation, est malheureusement décédé très jeune au mois de décembre qui vient de passer. On a aussi bien sûr entendu Jean Leloup avec 1990 qui s'imposait ce soir pour partir la soirée, version Remix Dance de James DeSalvio, plus tard de Brand 23000, et qui est sorti cette version-là ironiquement en 91. Et sinon, juste avant, Mr. Big, qui là a commencé à nous titiller la fibre nostalgique des années 90 avec le gros succès To Be With You de 91. Mr. Big, qui sont originalement un groupe de hard rock, voire presque glam. Sur le tard, un peu, quand on dit glam, on pense à Poison, Motley Crue, tous les groupes qui se maquillaient, qui se crêpaient les cheveux finalement. D'ailleurs, il était équipé d'un moyen guitariste quand même en la personne de Paul Gilbert, un gars du calibre un peu, on peut penser à Van Halen, tout ce qu'on appelle le Shredder. Mais bref, c'est avec des ballades qu'on les a mieux connues, comme To Be With You qu'on vient d'entendre, mais aussi leur reprise de Wild World de Cat Stevens que vous connaissiez sûrement aussi. Et sinon, on a aussi entendu Collective Soul avec Gel de 1995, plusieurs succès pour Collective Soul dans les années 90. Un groupe qui suivait l'incontournable I'm Too Sexy de Right Said Fred en 91, une chanson dont le bridge instrumental, je tiens à le souligner, emprunte pour pas dire copie Third Stone from the Sun de Jimi Hendrix, qu'on a d'ailleurs entendu à notre spécial 67 Summer of Love dernièrement. Et tout ça qui a commencé avec ce cher Shaggy et sa reprise, parce que oui, c'est une reprise de Oh Carolina, une chanson jamaïcaine des Folk Brothers, qui date originalement de 1958, la version de Shaggy, qui, elle, nous vient de 1993. Mais là, c'est là que ça commence pour vrai. On plonge tête la première dans les années 90 avec, entre autres, le groupe Space Hog, 99.1, CFNJ.

CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Song from days of yore. kind of you that I'm losing. It's not sane. It's not sane. Toujours en plein spécial 90 Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ et le groupe Blind Melon qu'on vient d'entendre avec certainement leur plus gros succès No Rain de 1992. Un groupe qui va malheureusement arrêter toute activité quand leur chanteur Shannon Hoon va décéder des suites d'une overdose de cocaïne en 95. Ça, c'est un côté un peu moins reluisant des années 90. La cocaïne, mais aussi beaucoup l'héroïne qui ont fait des ravages dans le rock, particulièrement dans ces années-là. Une mode un petit peu moins comique, disons. Mais bon, on se cachera pas que ça a toujours été assez présent dans l'histoire de la musique. C'est pas mieux quand c'est des antidouleurs. On a juste à penser à Prince plus récemment. Mais bon, sur une note plus légère, on a aussi entendu A Girl Like You d'Edwyn Collins, gros hit de 95, sorti sur album en 94. Et sinon, on a eu droit à un violent élan de nostalgie avec qui d'autre que les bébés qui ont dominé les palmarès du Québec des années 90 avec Parfum du passé, sorti en 89, mais qui a été un gros succès en 90. Donc, on est légal pour ce soir. Une des nombreuses ballades signées Patrick Bourgeois, à qui on envoie d'ailleurs des ondes positives. On a appris qu'il n'y a pas si longtemps que M. Bourgeois était malheureusement aux prises avec un cancer. Donc, on lui souhaite sincèrement de se débarrasser de ça au plus vite. Et sinon, côté musique, on a bien sûr entendu Coolio avec Gangsta's Paradise de 1995, popularisé entre autres par Dangerous Minds, film de la même année avec Michelle Pfeiffer, qui jouait une prof qui débarque dans une classe de délinquants. Un scénario qu'on a vu une fois puis un autre dans les années 90. Bref, Gangsta's Paradise, qui est aussi en grosse partie basée, ça les gens le savent moins, sur Pastime Paradise de Stevie Wonder, 1976. Et tout ça qui suivait In the Meantime de Space Hog, en 96. Si je ne me trompe pas, Liv Tyler qui sortait avec le chanteur de Space Hog, Rayon. On est dans les potins un peu. Et là, on y va, mais vraiment creux, dans les entrailles même des années 90, qu'on explore ce soir au 99.1 CFNJ. Yo, VIP, let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bullseye. The kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. With the bass kicked in and the Vegas all pumping. Quick to

speed, I'm anti D-R-U-G-G-I-E. My body is healthy, my rhymes make me wealthy, and my funky bunch helps me to bring you a show with no intoxication. Come on, feel my vibration. Yeah. Can you feel it, baby? Put your own let up on the rhythm around that's designed to make it behind you. You wanna incline to pure hip hop, don't sell out. If you ain't in it to win it, then get the hell out. I commit you to dance, I wanna keep on the face. Come on now, feel the vibration. Il fait des fautes sur le tableau, il devrait enseigner le boulot. Lui, je l'aime, il est fait slim comme dans les films. Avec ses petites shorts serrées, on voit tout son set de clips. À l'école, toutes les profs sont dolles. Fait que j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. On parlera pas de mon prof d'anglais, y'a de l'air d'une truite pis sans mauvais. C'est un prof, mes seuls mots qu'il connaît, c'est yes, toaster pis fartonnet. Mon prof de bio, il est même pas bio. Mon prof de philo, c'est un filou. Ma prof de religion, elle a un chignon, c'est une école de con. Quand tu arrives à l'école en jeans, on dit regarde tout le paquet, pis on bave tout sur le parquet. À l'école, toutes les profs sont dolles. Fait j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. Allez, on va voir le prof de gym. Allez, ok. Ici, voilà le prochain frappeur. Uh-huh. Ici, le prochain frappeur. L'autre après fera plus peur. Uh-huh. Et de toute façon, dans les expos, il n'y en a pas de frappeur. Un frappeur, ça frappe en bas de 200, ça. Uh-huh. Oh, la balle est frappée très haut et très loin. Uh-huh. Et c'est le grand Chelem. Chelem, ce frappeur-là, oui. Alors, voilà les joueurs qui rentrent au marbre en riant. Voilà le prochain frappeur. Yeah! Uh-huh. Un point produit. Uh-huh. As-tu un problème, Gilles? Non, non. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Yeah! Uh-huh. Tête au bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, tête au bat, bat, cogne jusqu'à décorer, jusqu'à décorer. Swing ton bout de bois assez fort pour défoncer le gain. Uh-huh. Oui, j'pense que j'vais aller voir les expos avec ma hand pis mes. Les expos cette année, ils ont le moral ben pépé. Allô, Philippe! Tiens, Tim, de Wallach! Où est-ce qu'il est rendu, Gary? Va revenir dans un quarter! Lâche ma calotte, Marcus! La prochaine fois, je t'en grissume! Voilà, c'est un coup sacrifice! Oh, et là, un sacrifice de coup! Walker est au troisième, Spike Owen est au deuxième, puis Youpi est au rez-de-chaussée! Yeah! Uh-huh! Yeah! Tête au bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, tête au bat, bat, cogne jusqu'où j't'assis, où j't'assis. Cogne assez fort pour que les gars au champ se rendent dedans. Uh-huh. Salut, salut, salut! j'allais. Et au bad, bad boy, cogne l'asti, cogne l'asti. Commande les gars, commande des Lionel. Capitaine, j'aperçois un navire qui semble venir de Pittsburgh. Ça, c'est des pirates, passe-moi le porte-voix. Merci. Merci. De rien. Hey, les pirates, c'est nous autres qui est au bâton. Je suis les autres en petit malon. Elle est partie. Ça t'apprendra. Yeah, au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Jusqu'au 17 juin, c'est la semaine All & Oates à CFNJ. Gagnez des billets pour All & Oates le 21 juin au Centre Bell grâce à CFNJ. Oh, here she comes. She's a man leader. Because your kiss is on my list. Come and touch. Oh, oh, oh. All & Oates le 21 juin au Centre Bell. Tous les jours entre 8h et 16h, dès que vous entendez une chanson de Hall & Oates, vous avez 5 minutes pour vous inscrire au 1-888-935-3437 pour mériter une paire de billets pour le spectacle du 21 juin au Centre Bell. Hall & Oates, c'est 18 albums studio, 10 albums live, 22 compilations et de nombreux succès numéro 1. Le nom d'un finaliste sera tiré tous les jours à 15h55 dans le G-Show. Le grand gagnant sera connu le 17 juin à 15h55 dans l'émission Prélude au Week-end. Un événement signé Evenco. Avec vous, partout dans la Naudière. CFNJ 89.1 Météo. Centré sud de la Naudière pour les prochaines heures, quelques nuages, un minimum de 13. Ensoleillé jeudi, maximum 26 et ensoleillé vendredi, samedi et dimanche. Des températures jusqu'à 30 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, quelques nuages cette nuit, un minimum de 8. Ensoleillé jeudi, maximum 25 et aussi ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche. Des maximums jusqu'à 30. CFNJ ta voix. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. Je dors avec l'espoir à défaut de ta voix. J'en veux à tous ceux qui s'aiment pour m'être retrouvé seul. Je n'ai plus dans le cœur que l'écho de son rire, des éclats de bonheur. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. Je dors avec l'espoir à défaut de ta voix. Dans mes rêves, je dors avec l'espoir à défaut de ta voix. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Les Smashing Pumpkins de Billy Corgan qui vont connaître la gloire vers la fin de la fameuse vague grunge du début des années 90 qu'on célèbre ce soir. On a entendu 1979 sorti sur l'album Melancholies and the Infinite Sadness en 95, et en single en 96. Et qui était précédé d'un succès souvenir comme on les aime, Goodbye My Love de Léandre en 91. Et peu importe ce que vous en pensez, vous vous êtes mis à chanter instantanément. Je vous connais. Ça, c'est la magie de Léandre qui suivait nul autre que François Pérusse dans sa prime jeunesse en 92 avec les classiques Mon prof de gym suivi de T'es au bad boy, parodie respective de Pump Up the Jam de Technotronics, qui sont belges, et de Bad Bad Boys de Midi, Maxi and FT, un trio suédois qui avait l'air de trois indiennes et qui était inspiré par la musique africaine. Et mais je pense qu'au Québec, on se rappelle plus de la version de François Pérusse, c'est pour ça qu'on l'a mis. Et en plus, ça nous rappelle l'âge d'or, du moins le dernier âge d'or des expos de Montréal. Et c'était précédé de deux souvenirs qu'on avait refoulés, mais qui sont remontés à la surface ce soir. Mark Wahlberg, l'acteur qui, en 91, se faisait appeler Marky Mark et se faisait accompagner par le Funky Bunch pour le succès Good Vibrations, qui reprend sans scrupule le titre d'un chef-d'œuvre des Beach Boys, et le tout amorcé par Ice Ice Baby de Vanilla Ice en 1990, qui n'a pas plus eu de scrupule à emprunter sans le demander au début, parce qu'après, ils n'ont pas eu le choix de donner le crédit. Le riff de bass de Under Pressure de Queen et Bowie. Et nous, eh bien, on y retourne avec une flopée de hits, pourquoi pas un peu de Beck au 99.1 CFNJ. The chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stamps and burning down this trailer park. Yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun hose and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. Down. ouais. Darling, who's that new man? seen Wendy, said darling. Je ne suis darling plus le même. Je pensais bien tout avoir su. L'amour et ses rengaines. Et je me croyais tellement sûr de moi. Ces yeux-là que tu promènes sur moi comme des gestes obscènes. Tu le vois bien, darling, tu me gênes. Sur ta photo un peu blême, je nous vois en tandem. Ta main, darling, dans la mienne. Tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne. Qui c'est, darling? Qui tu aimes? Qui c'est, darling? Si tu m'aimes, qui c'est, darling? Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. We'll be right back.

Encore et toujours au grand spécial années 90, premier du nom de Méloman, parce qu'il y en aura d'autres au 99.1 et 89 CFNJ, ou encore en direct sur CFNJ.net. On était dans les gros hits dans le dernier bloc, s'en prend aussi. Les Cranberries, bien sûr, groupe d'Irlande qu'on vient d'entendre à l'instant, avec certainement leur plus gros hit en carrière, Zombie, sorti fin 94. Une chanson qui traitait du fameux conflit nord-irlandais, une période qu'on va appeler « The Troubles » et qui va durer de la fin des années 60 jusqu'en 97, voire 2007 selon certaines interprétations. Bref, un conflit qui, justement, n'a pas été bref du tout et c'est ce que dénonçait Zombie. Donc, on peut parler de « protest song » à ce moment-là, si on veut, un genre que va populariser Bob Dylan dans les années 60, entre autres. Et sinon, complètement autre chose, avec un succès souvenir un peu bizarre avec Casey L.M.N.O.P. et son tailleul de 96, qui, pour une raison obscure, s'est rendu au top des palmarès pendant un court instant. Casey L.M.N.O.P., qui, semble-t-il, est devenu un criminel depuis, et il n'y a personne qui est surpris de ça. Sinon, c'était précédé d'un gros succès, toujours de 96, sorti sur album en 95. Par contre, No Doubt, avec Don't Speak, qui, ma foi, traverse quand même bien le temps. Faut donner ça à cette chanson-là. Et en même temps, ça nous ramène dans le temps instantanément, en plein l'effet qu'on cherche ce soir. Et parlant de retour dans le temps, on a remonté jusqu'en 90, pile pour Darlin de Rock Voisine, qu'on peut toujours pas s'empêcher de chanter. Et juste avant ça, on était toujours dans les gros hits, mais un petit peu plus à tangente, plus alternative, avec Weezer et la pièce Buddy Holly, qui est sortie, imaginez-vous, le jour de ce qui aurait été le 58e anniversaire de Buddy Holly en 94, s'il avait été vivant, bien sûr. Et tout ça amorcé par Loser, premier gros hit de Beck de 93 originalement, mais qui est vraiment devenu un hit en 94. Et là, un autre petit voyage à venir. On commence doucement, mais après, on va vraiment remonter dans le temps. Pour l'instant, on y va avec une reprise d'une pièce de Bob Marley qui, en 96, va être mise au goût du jour par Wyclef et ses Fugees au 99.1 CFNG. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About the crookedness as it mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future you can't forget your past, so dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say. I remember when we used to rock. Project Yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and broom. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. C'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone? Ah, au con bah, mais Lorraine ou là? Bonsoir. Bonsoir, qui m'a bien que l'on va parler là? Réfugiez dans un autre, attention. I've been watching you. A la la la la long. A la la la la long, long, les long, long, long. Come on. A la la la la long. A la la la la long, long, les long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you. Wild. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, yeah. And I've got this to say to you, hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. No more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. So I say to myself, if she loves me or not. But the dread I know that love is his to get. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Tell me written lyrics on the campus, knowing that they all snap. Go police, you try to save them, your voice will cease. So please, stay off my back, or I will attack, and you don't want that. Ladies and gentlemen,

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et Diane Tell avec la pièce titre de la deuxième comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon, La légende de Jimmy de 1993. La première étant bien sûr Starmania. Tout ça en ce spécial années 90 qui tire dans toutes les directions ce soir, parce qu'avant on était justement complètement ailleurs avec du acid house allemand qui va s'inscrire dans le dance des débuts 90. Pour les purs et durs, on a entendu KLF avec 3AM Eternal, version la plus connue de 91, soit le Stadium House version, qui suivait deux méga hits que tout le monde connaît, de 1990 pile, soit The Power de Snap, toujours d'Allemagne, et le groupe new-yorkais CNC Music Factory qui featuring Freedom Williams avec Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, qui suivait une autre chanson qui nous parlait de sueur, Sweat à la longue du groupe jamaïcain Inner Circle en 92. Inner Circle qui, croyez-le ou non, est un groupe qui s'est formé en 1968. Donc ça suivait à merveille notre reprise de No Woman No Cry de Bob Marley par les Fugees de 96. Et on y retourne parce qu'il y a plein de belles choses à venir encore. Et on commence ça avec quelqu'un qui a été omniprésente vers la mi-90. On écoute Alanis au 99.1 CFNJ. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything. Is that it? everything inside of one heart could find. I gave my passion, my very soul. I gave her promises and secrets so untold. And she promised me forever and the day we lived as one. We made a vows, we live a life anew. And she promised me in secret that she'd love me for all time. It's a promise so untrue. Tell me, what will I do? And it doesn't seem to matter. And it doesn't seem right. Cause the will is brought no fucking. Still I cry alone at night. Don't you judge ever by composure. Cause I'm lying to myself. And the reason why she left me, cause she finding someone else. Who is it? Will I do? would be never see. Won't see what I have been. What I felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I dug the pumpkin. You labeled me. changing inside you. And don't you know, don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight, don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. CFNG. Si tu me vois un jour frotter mes souvenirs, parce que je verrai plus briller mon avenir. Si je fais plus le monde à chaque fois que je bois, plus de morale d'acier dans mes gueules de bois, tue-moi. Quand tu commenceras à compter les jours qui séparent le choix où je te fais l'amour. Si tu me surprends à fermer les fenêtres parce que le bruit des enfants me monte à la tête, tue-moi. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement anciens copains. Si je serre les fesses plus fort que les poings. Si je deviens nouveau con et ancien battant. Si je me révolte plus qu'entre deux calmants. Tue-moi. Si tu vois un jour que je m'économise. Si j'ai peur d'avoir froid quand je donne ma chemise. Si tu m'admires plus parce que j'ai peur de perdre. Si t'as plus pour moi que cette tendresse de merde. Tue-moi. Tu me tueras. Si tu t'en vas. Simplement. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, oh tu me tueras. Si tu t'en vas, simplement. Si tu t'en vas, oh tu me tueras. Si tu t'en vas, simplement. Toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ pour un spécial année 90. Ce soir, à Méloman et Dan Bigra avec Tue-moi, qui a été un gros, mais un très gros succès en 1992, pour ceux qui s'en rappellent. Et je sais pas si c'est juste moi, mais il y a quelque chose dans la ligne de piano qui me rend assez nostalgique. Merci, je dois pas être le seul. Et sinon, à peu près au même moment, en 91, pour être précis, les rois du rock, c'est Guns N' Roses et Metallica, même s'ils viennent respectivement du hard rock et du metal, du trash metal, qui vont même finir par faire une tournée ensemble. On se souvient d'ailleurs des émeutes au stade olympique causées par Guns N' Roses, quand même, il faut le spécifier. On les a entendus respectivement avec Don't Cry, The Use Your Illusions 1, s'il vous plaît, et The Unforgiven 1, s'il vous plaît, qui nous vient du fameux album noir que certains saluent comme le début et d'autres comme la fin de quelque chose, mais deux très bonnes chansons qui, personnellement, me rappellent le temps du combat des clips à Musique Plus. Dans le temps qu'il y avait de la musique à Musique Plus, évidemment. Et sinon encore, à peu près au même moment, Michael Jackson qui revient au sommet des charts avec un grand album du nom de Dangerous, fin 91. On a entendu Who Is It, sorti en single en 92 en Angleterre et aux États-Unis, Canada en 93. Tout ça qui était précédé de White Town avec Your Woman de 97, une chanson basée sur la marche impériale de Star Wars. Et Alanis Morissette, bien sûr, en 95, qui est pas mal d'ailleurs l'année Alanis Morissette, son album Jagged Little Pill, qui va avoir un succès assez phénoménal avec plusieurs singles, dont Hand in My Pocket, qui est celle qu'on a entendue ce soir. Et on y retourne pour ce qui va être probablement notre dernier bloc de la soirée. Et oui, le temps passe vite. On écoute un gros succès québécois de 1992. Et après ça, on change au 99.1 CFNJ. Today.

like a storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Then you mother like I sing what my guitar wants to sing. I'm waiting for you. Sometimes, sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1 Et c'est ce qui conclut le premier spécial 90 de Mélomane, chers amis. On vient d'entendre R.E.M. avec le gros succès Everybody Hurts, sorti en album en 92. Mais en single en 93, qui suivait Milk de Garbage en 96, groupe de Butch Vig, producteur du fameux Nevermind de Nirvana. On a aussi entendu... Non, c'est pas vrai, je l'ai coupé parce que le temps nous presse. Et juste avant ça, une chanson qui célébrait la chute toute récente du mur de Berlin en 1990 par un groupe allemand en plus, donc une chanson très symbolique, Wind of Change de Scorpions, qui suivait nul autre que Marie-Carmen avec Entre l'ombre et la lumière, gros succès de 92. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser, chers amis. J'espère que vous avez eu du plaisir ce soir. Il y a évidemment tellement d'artistes à côté desquels on est passé. Ça va juste nous obliger à faire un spécial 90, volume 2, 1 de ces 4. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 22 juin, dès 21h, pour un spécial Mélomane de la Saint-Jean qui sera à nos portes. Manquez pas ça. Je vous laisse avec une pièce qui est tout à propos. Mélomane ferme ses portes pour la semaine. It's closing time. 99 ans, CFNJ. On over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time, time for you to go out to the places you will be from. Closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah. To take me home, I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Every new beginning comes from some other beginning.